capitalisme nous pousse à la consommation. Et c'est pour ça qu'on s'entretue. Guerre de richesse, matériel, immobilier. Parce que nos vies valent plus que leur profit. Pour tous mes pirates du bitume, coincés dans le bloc à faire la thune, à rêver de quitter la terre pour enfin découvrir la lune. Avant de finir six pieds sous terre, je décris nos vies avec une plume. Pour tous mes pirates du bitume, coincés dans le bloc à faire la thune, à rêver de quitter la terre pour enfin découvrir la lune. Avant de finir six pieds sous terre, je décris nos vies avec une plume. La course à l'argent nous motive, on veut tous une part du gâteau. On est tous pris à la dérive, on est tous pris dans le même bateau. Mais le parcours est difficile, le chemin se resserre comme un étau. Sur le chemin de la perdition, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de poteau. Mais toi tu penses qu'à la thune, décrocher le salaire des taux. En attendant c'est le chantier, tous les matins tu te lèves tôt. J'ai trop pesé ma jeunesse, donc aujourd'hui je dois me dépêcher. Rattraper le temps perdu pour me laver de mes péchés. Je suis tombé du bateau, mais personne ne m'a repêché. Toutes ces soirées dans l'ivresse à faire des sacs à l'arracher, découper la gueule trop et l'emballer dans des sachets. Alcoolisé, défoncé, tous ces bons moments que j'ai gâchés. Sous l'emprise du THC, t'as du mal à t'en détacher. T'es absorbé par la rue et mentalement t'es attaché. On navigue et on avance à l'intérieur du paquebot. Certains essayent de nous jeter, on s'accroche comme Laurent Gbagbo. Le rap de nos jours, trop de sons dépraves et y'en a marre. Moi je veux un retour aux sources, ressortez le pavé dans la mare. Pirates du bitume, coincés dans le bloc à faire la thune, à rêver de quitter la terre pour enfin découvrir la lune. Avant de finir six pieds sous terre, j'décris nos vies avec une plume. Pour tous mes pirates du bitume, coincés dans le bloc à faire la thune, à rêver de quitter la terre pour enfin découvrir la lune. Avant de finir six pieds sous terre, j'décris nos vies avec une plume. Premier album, la prophétie, t'entends ma voix, tu dis si si, la vie la vraie commence ici, donc écoute bien, c'est mon récit. Des putains string, des barésies, des thugs, de la drogue et de la résine, des chefs d'état et des missiles, des ouvriers dans des usines, les kiss des kicks croient nous cuisine, des riches des bourges dans leur piscine, et les taquis croient invincibles, moi et mes frères sont pris pour cible. La vie la vraie c'est pas facile, y'a de quoi faire saut, t'es des fusibles, il est bien loin, le fleuve paisible représente le bruit et l'odeur, mets du taga dans mon moteur, et oui je rappe sans vocodeur, pour comprendre pas besoin des codeurs, les jeunes se mettent à défier les règles, pour un rien mais qui te dose, la ruelle a perdu ses règles, comme une femme qui a la ménopause, j'ai une abeille sur le skate, pour que l'état puisse pomper mon dard, un frère en plus aux assiettes qui viennent tomber, ouais c'est dard. Et je suis fier de mes origines qui ont fait de moi ce que je suis, qui ont fait de moi une machine, un killer et tout ce qui s'ensuit. Tout ce que j'ai bêta d'imagine, ça rentre même pas dans toute ta vie. Mon équipe c'est que des magiques bien plus puissants que toute ta ville. Pour tous mes pirates du bitume, coincés dans le bloc à faire la thune, à rêver de quitter la terre pour enfin découvrir la lune. Avant de finir six pieds sous terre, j'décris nos vies avec une plume. Pour tous mes pirates du bitume, coincés dans le bloc à faire la thune, à rêver de quitter la terre pour enfin découvrir la lune. Avant de finir six pieds sous terre, j'décris nos vies avec une plume. Parce que nos vies valent plus petit que leur profit. Il te reste pas beaucoup de temps, alors un conseil, vas-y profite.